rentrer dans le groupe des... Allô? Bonjour à tous. Je disais à la Sina que je suis rentré dans le groupe de ceux qui portent le verre. Mais ce n'est pas trop grave. Ok, je voudrais déjà dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il me donne de me retrouver encore parmi vous pour partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Le jeudi, j'ai reçu un mail du pasteur me demandant si je pouvais partager quelque chose compte tenu de son déplacement à Cotonou. Et je n'en ai pas trouvé de problème à cela. Et ce matin, je voudrais donc que nous échangeons ensemble sur la parole de Dieu. Et je voulais déjà dire merci à Kassa pour sa proposition de chant en joula qui a déjà, je dirais, introduit notre message. Et ce chant qui disait que ce n'est qu'en Jésus que nous avons la vraie liberté, la vraie paix. Le thème que j'ai choisi ce matin est le suivant. Dieu seul est la source de notre joie. Dieu seul est la source de notre joie, puisque chacun de nous dans ce monde est contraint à des moments de détresse, des moments de découragement. On peut se demander, mais à quand cette joie, à quand cette paix du cœur? Et je voudrais que nous lisons dans Genèse 29. Le texte paraît très long pour certains, mais je pense qu'il serait important de le lire. Genèse 29, du verset 15 au verset 35. Et ce texte nous parle du double mariage de Jacob. Et je voudrais que chacun suive attentivement la lecture et que vous laissez parler par ce texte ce matin. Je voudrais déjà situer le contexte. Si vous lisez les chapitres 28 jusqu'au chapitre 29 de Genèse, vous voyez que Jacob était en fuite puisque dans la famille, il avait usé du droit d'aînesse de son grand frère Esaü, Esau, en complicité avec sa maman Rebecca. À la fin, il voulait fuir pour s'éloigner donc de son frère. Et ici, le texte que nous lisons ici, il était en cette fuite et il était presque à une destination. Genèse 29, 15 à 35. Je le lis dans ma version. Puis, ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. » Ici, Jacob avait couru et il s'était retrouvé chez Laban, son oncle, qui était le frère de sa maman, et qui avait des bergers. Si vous lisez les chapitres précédents, donc vous allez retrouver facilement donc, l'histoire que vous connaissez, je pense, déjà. Verset 16. « Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. » Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi, reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Il lui parut bon quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux venir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appelait Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, puis elle cessa d'avoir des enfants. Amen. Et dans ce texte, comme je le rappelais un peu, le contexte, Jacob était dans une situation de détresse. Puisqu'il fuyait, donc son frère, il fuyait la colère de son frère, la menace de son frère. Et il pensait, une fois arrivé chez Laban, que s'il avait Rachel, il serait dans cette joie et il allait oublier tout ce qui est détresse, tout ce qui est angoisse. Et la Bible nous dit que c'est lui-même qui a proposé le salaire, la dot. Tout ce que Laban lui a demandé, il avait déjà fait un mois, Laban lui demande, mais tu ne peux pas rester chez moi comme ça. Dis-moi, voilà, comment je vais te payer après. Et puisqu'il aimait Rachel, il dit, voilà, je te servirai 7 ans. Et après les 7 ans, tu me donneras ta fille cadette, Rachel. Et certains théologiens disent que les 7 ans qu'il a proposés équivalaient presque à 4 fois la dot de son époque. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de faire 4-7 ans pour avoir Rachel. Mais puisqu'il l'aimait, puisqu'il était totalement attaché à elle, puisqu'il pensait que c'est Rachel qui ferait sa joie, parce qu'il était dans une situation de détresse, d'angoisse, il dit voilà, sans même demander conseil à quelqu'un, je ne dirais pas sans même réfléchir, mais tout va, voilà ce qu'il propose. Je te servirai 7 ans. Et après les 7 ans, tu me donneras ta fille Rachel comme mari. Et je pense que nous pouvons aussi nous retrouver dans une situation de détresse. Nous pouvons nous retrouver dans une situation d'angoisse, de tristesse, où nous voulons nous-mêmes chercher notre joie. Parce que ici, au lieu que Jacob cherche où il pourrait avoir une grande joie en l'Éternel, il cherchait des solutions pour se créer une joie. Parce qu'il se disait, voilà, si j'ai Rachel ou Marie, c'est OK. Et, oui, c'est OK. Je serai dans la joie permanente. Et il avait oublié que ce n'est que l'amour de Dieu qui peut apaiser les cœurs et nous enlever de tout ce qui est tristesse. Et que la joie que nous-mêmes nous cherchons nous-mêmes n'est qu'une joie éphémère. Et c'est Dieu qui peut nous donner cette paix, c'est Dieu qui peut nous donner cette tranquillité, ce qu'il n'a pas apparemment cherché. Et nous pouvons même nous poser la question, comment est-ce que nous pouvons nous retrouver avec un cœur joyeux si nous n'avons pas d'intérêt pour Dieu? Parce que dans ce monde, nous voyons de plus en plus que nous n'avons pas d'intérêt pour Dieu, mais nous voulons avoir la joie. Il nous serait difficile d'avoir une joie permanente, sinon nos joies seront toujours éphémères. Et les choses auxquelles nous sommes attachés, les choses qui font de nous, que nous pensons trouver pour avoir la joie, seront comme des idoles et finalement, nous ne serons que des personnes malheureuses, nous ne serons que des personnes qui se voient toujours dans une situation de détresse. Souvent, nous pensons que c'est lorsque nous aurons l'argent que nous aurons la joie. Oui, quand je commencerai à travailler, c'est fini. Quand on est étudiant, quand on n'a pas commencé à travailler, on pense que voilà, quand j'aurai le boulot, c'est fini. Je serai toujours dans la joie. Demandez à ceux qui travaillent s'ils sont toujours dans la joie. Souvent, on pense que voilà, c'est le diplôme. Voilà, je cherche ce diplôme. Ah, une fois que j'aurai mon master, ou une fois que j'aurai mon doctorat, ou une fois que j'aurai ma licence, je serai dans la joie. Mais ceux qui en ont déjà ce diplôme n'ont pas cette joie permanente. Ou c'est le mariage. Avant mon mariage, moi je pensais beaucoup à ça. Je dis, ah, le jour que j'aurai ma femme, ce serait la joie pour toujours. Ce serait chaque jour, je serai dans la joie sur moi. Demandez à ceux qui sont mariés si chaque jour ils sont dans la joie. C'est la même chose. Dans ce monde, nous pouvons nous retrouver parmi des gens ou des collègues qui pensent que, voilà, allons-y boire un peu de verre, allons-y boire de l'alcool. Ou même nous-mêmes, nous pouvons nous retrouver dans une situation d'angoisse, nous disons, bon, allons-y, je vais aller boire un peu de bière et ça me donnera la joie. Mais ce n'est qu'une joie éphémère. D'autres diront que, voilà, en sortant avec des filles ou en cherchant des femmes ou des garçons, voilà, c'est la joie que nous aurons. Nous sommes attachés à certaines choses qui, ça peut être des propositions de l'ennemi pendant que nous sommes dans une situation d'angoisse et qui nous font penser que, voilà, une fois que j'ai telle chose, voilà, j'aurai la joie. N'en parlons pas de certaines situations de péché. Nous sommes dans un milieu maintenant d'Internet, de jeunes, où les jeunes sont beaucoup plus attachés à l'Internet, à la pornographie, à beaucoup d'autres choses, des images malsaines. Pendant que tu es assis, et voilà, tu penses que voilà, en regardant ces images, tu auras la joie. Mais est-ce que ça te donne une joie permanente comme Dieu le donne? Nous devons faire attention. Et certains aussi, c'est la malhonnêteté, c'est la corruption, et ainsi de suite. On vous propose beaucoup d'autres choses. Tout comme Jacob ici était dans une situation de détresse et pensait que c'est vraiment le mariage de Rachel qui lui donnerait la joie, nous voyons qu'il était prêt. On nous dit que les 7 ans sont passés comme une journée devant ses yeux. Ah, 7 ans, c'est beaucoup. Je suis allé faire une année et je disais, mais une année, ça passe vite. Mais quand je suis arrivé 1 mois, 2 mois, après 3 mois, j'ai dit, mais une année, c'est long. Hein? Parce que je voyais que j'étais pris dans mon contexte, je voyais qu'il y a beaucoup de choses qui me manquaient. Mais imaginez 7 ans que Jacob a passé comme un jour. Ça lui est rien dit. Et on nous dit que, même malgré que son oncle l'a trahi avec Léa, on le verra par la suite, il a encore fait 7 autres années, donc 14 ans qu'il a passé comme si rien n'était. Parce qu'il était tant attaché à cette joie, il était tant attaché à Rachel, sinon, ne serait-ce que si ça, c'était moi ou quelqu'un d'autre, il dirait, bon, j'ai fait 7 ans, tu as refusé de me donner Rachel, si c'est ça, bon, je m'en vais, je ne vais plus rester pour 7 autres années. Mais il était d'accord de rester encore 7 ans pour faire ce travail. Nous pensons que en créant notre propre joie, nous serons heureux, mais ce n'est pas toujours évident. Et la question que je me pose et que je voudrais que chacun de nous se pose ce matin, c'est en quoi cherches-tu ta joie ce matin? Ou en quoi cherches-tu ta joie à chaque moment? Dans ta marche avec Dieu, quelle est la source de ta joie? Qu'est-ce qui te donne cette joie que tu cherches? Parce que chacun de nous, personne ne veut rester dans une situation d'angoisse. Tout le monde veut être dans la joie. Chaque jour, nous voulons être dans la joie. Nous voulons vivre dans la paix, dans la joie. Mais où est-ce que nous cherchons notre joie? D'où est-ce que nous tirons cette source? Nous voyons que, après les 7 ans, Jacob, vous voyez, souvent on peut se demander comment est-ce que ça se passe. Que voilà, la nuit du mariage, on vient donner Léa à la place de Rachel sans qu'il ne se rende compte. Et voilà, c'est au réveil qu'il se rend compte que c'est Léa au lieu de Rachel. Mais remettez-vous dans le contexte, dans leur contexte. Nous ne sommes pas dans un contexte où voilà, maintenant on a tout, tous les médias, on a tout, on a l'électricité, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Et c'est possible. Et encore, on nous dit que c'était des sœurs, donc ce n'est pas évident que facilement les voix même puissent se ressembler. Et je me dis, mais c'est possible. C'est possible en son temps. Et même aujourd'hui, ça peut être possible. Parce que si nous voyons comment certains, le jour du mariage, vont maquiller ou enfermer la mariée, et je veux parler du mariage musulman, généralement, la mariée est restée, elle reste toujours au fond de la maison. Et voilà, les gens viennent saluer et tout. C'est rare de le. Et à la fin, voilà, on l'amène chez le mari. Bon, c'est possible. Et voilà, il se lève le matin dans une situation de tristesse. Il pensait que c'était vraiment le jour de sa grande joie, mais finalement, il se retrouve dans la tristesse. En d'autres termes, l'escroc qu'il était a été escroqué. Permettez-moi le terme. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà, nous allons voir par la suite, il avait déjà usé du droit d'aînesse de son grand frère. Et voilà qu'il se retrouvait dans une situation où il pensait, voilà, il allait oublier toute cette situation. Mais dans ce contexte encore, nous voyons qu'il ignorait la situation de l'aîné. Puisque c'est la réponse, je pense au verset 26 de son oncle qui dit, voilà, dans notre tradition, on ne marie pas l'aîné et la cadette avant l'aîné. Lui, il avait déjà usé du droit d'aînesse de son aîné. Et voilà, il se retrouve dans une famille encore où il voulait aussi outrepasser cette mesure. Et ça le rattrape encore parce qu'il était obligé de prendre et l'aîné et la cadette s'il tenait vraiment à cette Rachel qu'il voulait. Et ce n'était qu'une joie éphémère et c'est ce qui nous arrive lorsque nous cherchons nous-mêmes notre joie. Et si nous lisons la suite de l'histoire, nous voyons que ça n'a pas été facile par la suite dans sa vie. Quand il a marié les deux, et ici on nous parle un peu des enfants. Et tous les noms des enfants, ici dans ma Bible, on donne un peu la signification de tous les enfants de Jacob. D'abord, il a eu des enfants avec Léa. Et là où on s'est arrêté, on dit que Léa n'a plus eu d'enfants. Mais si vous lisez les chapitres suivants, vous allez voir que puisque Léa n'avait plus d'enfants, elle avait donné sa servante à Jacob pour qu'il puisse avoir des enfants au moins pour lui, pour elle. Puisque Rachel, qui n'avait pas d'enfants, lui avait aussi donné sa servante pour qu'elle puisse avoir des enfants, pour que au moins cette jalousie, je dirais, qui était entre elle et sa grande sœur puisse finir. Mais nous voyons qu'ils ont eu des enfants avec, il a eu des enfants avec ses servantes. Et après, Léa et Rachel ont encore eu des enfants. Et nous voyons que la suite de l'histoire jusqu'à Joseph, qui a été vendu par ses frères, toute cette histoire est liée à ce début ici. Et c'était une situation où Jacob de nature était malhonnête. Et pour le prouver, si nous lisons dans le chapitre 30, que nous n'avons pas lu, à partir du verset 37 au verset 43, nous voyons que quand il est resté travailler pour avoir ses deux femmes, Laban lui a dit, mais en quoi je te paierai? Il a dit, bon, je te donnerai un signe. Et puisqu'il gardait les petits bétails, les petits ruminants, il dit, tous les bétails qui vont naître avec des taches seront à moi. Et les autres qui ne seront pas des taches seront à toi. Jacob dit, d'accord. Mais nous voyons que si vous lisez, on nous dit qu'il a usé des ruses, puisqu'il a utilisé des plantes qu'il a coupées, mettre à partir de là où les animaux partaient pour boire. De sorte que, et il triait toutes les brebis qui étaient vigoureuses et qui étaient en période de chaleur, qui devaient mettre bas. Voilà, c'est à ce moment qu'il amenait ses brebis à devant cette plante pour que les enfants, les petits, soient achetés. Et ça marchait. Et finalement, il a transformé tout le troupeau voilà, en des animaux tachetés. Et ceux qui étaient un peu plus chétifs, qui n'étaient pas bien vigoureux, là, il n'appliquait pas sa règle parce qu'il ne voulait pas de ces animaux. Et nous voyons que c'est pourquoi je disais tantôt que c'était un escroc qui a été escroqué. Et si nous continuons dans le chapitre 31 au verset 20, nous voyons que même son départ de chez Laban, il ne l'a pas prévenu. On dit de son côté, Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de son départ. Donc, même pour partir, il ne l'a pas prévenu. C'est-à-dire que de nature, il était quelqu'un qui était prêt à tromper. Il était quelqu'un de nature qui était malhonnête depuis qu'il a commencé à user donc, du droit d'aînesse de son grand frère. Mais pour lui, si tu es dans cette situation, tu ne peux pas avoir une foi, tu ne peux pas être en paix parce que tu vois qu'il y a quelque chose qui te manque. Et il pensait que c'est avec Rachel qu'il aurait cette joie. Mais malgré qu'il a eu sa femme, malgré qu'il a eu ses prévus, malgré qu'il a eu toute cette richesse, puisque la Bible nous dit qu'il devenait de plus en plus riche, pendant que Laban, lui, son troupeau diminuait. Malgré qu'il avait toute cette richesse, il n'avait pas cette joie. C'est ce que le chant de Kassa nous disait. Nous pouvons avoir les voitures, nous pouvons avoir les maisons, nous pouvons avoir tout dans ce monde, mais nous n'avons pas cette joie. Souvent, nous pensons que voilà, quand j'aurai ma voiture, je serai dans la joie. Je n'aurai plus de soucis, je n'aurai plus d'angoisse. Quand j'aurai construit ma parcelle, quand je serai chez moi-même maintenant, je serai toujours dans la joie. Je pense que c'est une erreur de notre part. Si nous continuons à chercher la joie dans ces choses, soyons sûrs que notre joie ne sera jamais parfaite et nous resterons toujours dans une joie éphémère et nous resterons toujours dans cette situation de trouble, de confusion. Puisqu'on se demande, mais pourquoi? Pourquoi je pensais qu'à cette étape, j'aurais cette joie? Et je ne l'ai pas reçu. Et si nous repartons de l'autre côté, le cas de Léa, qui était sa première femme, qui était l'aînée de la famille de Laban, nous voyons que Léa aussi, la Bible nous dit qu'elle avait des problèmes de beauté par rapport à sa sœur Rachel, puisqu'elle n'était pas belle comme Rachel. Et ça lui touchait parce que quelqu'un qui vient qui dit voilà je veux me marier à Rachel alors que l'aînée est là et elle n'était pas contente. Et certains analystes pensent que apparemment elle avait des malformations au niveau de ses yeux et qu'elle n'était pas belle à voir. Mais elle s'attendait au moins à avoir un mari qui va l'aimer. Donc quand elle s'est mariée avec Jacob, elle pensait que voilà, au moins, j'aurai un mari qui m'aimera et ça fera ma joie. Mais c'était aussi une erreur de sa part. Puisque la beauté de sa sœur Rachel la suivait. Puisqu'elle était avec Rachel et Jacob était rattaché à cette Rachel. Et chaque fois, Jacob ne pouvait pas l'aimer parce que c'était Rachel son objet, comme son idole qui l'attirait et qui l'a fait passer tous ses 14 ans chez Laban. Et nous voyons que la Bible nous dit que Dieu, voyant que Léa n'était pas aimée, lui rendit féconde et elle a eu des garçons. Ici, on a cité jusqu'à 4. Et nous voyons que chaque fois qu'elle a un garçon, elle dit, cette fois-ci, mon mari m'aimera parce que je lui ai fait un garçon. Cette fois-ci, mon mari m'aimera parce que je lui ai fait deux garçons. Cette fois-ci, mon mari m'aimera parce que je lui ai fait trois garçons. Et si nous voyons l'histoire, nous voyons qu'elle a continué à penser que, comme Rachel n'avait pas d'enfant, le fait qu'elle était féconde, ce serait une occasion aussi pour elle d'avoir cette joie, d'avoir cet amour de son mari. Mais c'était aussi une erreur parce qu'elle ne pouvait pas avoir cette joie. Mais je pense que si nous regardons à partir du verset 35, elle a dit quelque chose qui m'a attiré. On dit, elle tomba encore enceinte et s'est mis au monde un fils et elle dit, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Alors que les autres fois, elle disait, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Mais ici, elle dit, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Parce qu'elle s'est rendue compte que sa joie ne pouvait pas venir de son mari, de l'amour de son mari, parce qu'elle avait déjà fait trois garçons, mais le mari ne l'aimait pas. Mais à la dernière, le dernier du passage que nous avons lu ici, nous voyons qu'elle dit, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Elle a compris que il faut chercher la source de sa joie à l'Éternel plutôt que à ce que nous pensons. Il faut chercher la source de sa joie à l'Éternel plutôt que à son mari. Et à partir de ce moment, je pense qu'elle a eu cette joie. Malgré que son mari ne l'aimait pas, elle était dans la joie. Parce que cet enfant qu'elle a nommé par la suite Judas fut de la lignée de la généalogie de Jésus. Et elle était donc, cet enfant était donc dans le plan de Dieu pour, par la suite pour la généalogie donc de Jésus. Parce que tous les autres enfants qu'elle a eus, les noms signifiaient un peu ce qu'elle attendait. On dit le premier qui s'appelait Ruben signifie « voyez un fils ». Et Siméon, c'est celui qui était attendu. Lévi, c'est attaché, c'est-à-dire cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Et Judas, c'était célébrer l'Éternel. Donc, nous voyons que elle a changé de nom même de l'enfant pour dire, bon, cette fois-ci, au lieu de dire attaché, que le mari sera attaché à moi cette fois-ci, elle dit Judas. Donc, il n'était même plus, la signification n'était plus dans la famille, mais c'était lié maintenant à l'Éternel qu'elle voulait célébrer. Et nous voyons que c'était, je pense bien, une joie pour elle par la suite, parce que après, elle a eu encore des enfants. Si vous lisez les chapitres 30 et 31, vous allez voir un peu la suite de cette histoire. Donc, je pense que à la lumière de cette parole, nous pouvons tirer comme leçon que nous ne devons pas chercher notre bonheur en dehors de Dieu. Pour aboutir au vrai bonheur que Dieu donne, nous devons revoir tout ce qui est idole dans nos cœurs. Nous devons les identifier et les remplacer par Dieu. Parce que à chaque fois que nous allons penser que c'est telle chose qui pourrait nous donner la joie, nous mettons de côté Dieu et nous ne pourrons jamais voir concrétiser le plan de Dieu dans nos vies. Et nous ne pourrons jamais avoir cette joie de façon permanente. Nous ne serons toujours que dans cette joie éphémère. Alors que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Comment est-ce que nous pourrons être toujours joyeux si nous avons toujours des joies éphémères? Comment est-ce que nous pouvons toujours être joyeux si nous sommes comme dans des déceptions? Parce que je pense que voilà, quand j'aurai du boulot, je serai dans la joie. Et voilà, j'ai du boulot maintenant, je ne vois pas cette joie. Je dis bon, donc finalement je vais changer de boulot. Même si tu changes de boulot, tu n'auras pas cette joie. Tu penses que c'est le matériel, quelque chose que tu prendras, ou le mariage, ou bien d'autres choses que j'ai citées, la liste peut être longue. Mais si nous pensons que c'est ça qui peut nous donner la joie, en bref, si nous voulons créer nous-mêmes notre source de joie, il nous serait difficile d'avoir cette joie parfaite. Mais si nous cessons de compter sur notre travail, sur notre diplôme, sur notre mariage et sur tout autre, et nous les confions à Dieu, et que c'est Dieu qui est la source de notre joie, nous pourrons avoir cette joie permanente et restez toujours en joie comme le Nouveau Testament nous le recommande. Donc, je ne serai pas long et je voudrais donc demander que Dieu m'aide à pouvoir garder cette parole en moi, à pouvoir compter sur lui à tout moment pour que lui seul soit la source de ma joie. Et c'est la même prière que je voudrais formuler pour vous, qu'il en soit ainsi aussi pour vous aussi dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.